Chanson guitare, comme un gant qu'on a, de celles qui font j'ai la taille et fredonner tout bas. J'aimerais ça, j'aimerais ça, ma caille, faire une chanson qui taille. J'ai la taille et fredonner tout bas. J'aimerais ça, j'aimerais ça, ma caille, faire une chanson qui taille. Comme un gant, de celles qui font bouger la taille et fredonner. Faire une chanson qui...